sphère sans le shit. C'est pas le gospel en fit, y'a pas de dieu dans mon estime. Donc check moi pas, si tu veux me genre ma part. Je réduis mon entourage et je m'en porte pas plus mal. L'avenir joue à cache-cache et les plus jeunes le savent. Ça dialogue en wesh wesh, j'ai splante sur les dodanes. On a grandi, pour certains tard, pour d'autres trop tôt. La clique est en faillite, y'a plus grand monde sur les photos. Je viens faire parler avec des phases matures. En Afrique, le rap français, on lui ruine l'armature. Tu me verras pas en peinture, je suis pas la star du coin. Si tu sais pas mieux faire, prends pas le chromie du con. On tourne en rond, j'ai mes semelles Nike en alibi. Moi j'avance que dans le son depuis qu'on a les billes. La région s'en débarque avec son motif au volant. Lève tes lèvres de l'antipop, t'as les schémas bitodorants. Plus vaut prévenir que guérir, on est venu avec mon pote Scar. Simplement pour faire la guerre et tout ça sans faire les pop stars. Et ouais ma gueule, on fait la guerre notre façon. Sans motif, le car records, dédicace à notre assos. Lancez l'assaut et sortez l'artillerie. J'aimerais qu'on détruise tout ce monde, même si des fois j'ai l'air d'y rire. J'ai l'art d'erré, mais très rarement aux discothèques. Pour la simple et bonne raison que même les gosses recherchent la piste ou quête, enquête sur mes propos ou même sur ma personne. Je dis ce que j'ai à dire, alors je rappe jusqu'à ce que mon heure sonne. J'arrive avec mon rap de petit provincial, mais propre à la grosse tête, c'était de Paname. Car chez les crocs bien sales, je viens laver mon lachat. L'homme n'est pas plus efficace que d'âge. Je sais aussi que la dèche a séparé tous les vrais cas d'étage. C'est certain, il faut que je me barre d'ici. Je supporte plus le secteur, les soucis me donnent à prendre ici. Les franges ce son, c'est comme la vérité qui blesse. Qui me laisse dans mes pensées sur quelle personne pourrait danser. Nos rimes sont porteuses d'un ressenti qui nous blesse. Sans motif et scar en fuite sur un son qui pèse. Notre souffrance creuse nos cœurs pour contenir notre haine. Notre cœur devient réservoir et notre haine, notre kérosène. La vie laisse pas le choix, t'avances toujours dans le même sens. Un peu trop rabat-joie quand tu veux faire du contresens. Quand tu souhaites réparer les incidents du passé. À cette époque, rien à carrer de tout ce que j'ai pu casser. Je te parle de sentiments, de blessures volontaires. D'actes faits inconsciemment, de toutes mes paroles en l'air. Mes regrets marcellent, mais il faut vivre avec. Je veux pas vivre les mains sales, alors faut que je devienne un bec. J'ai eu trop d'exemples, d'erreurs pour faire de même. Et dans le cœur trop trempe, pour que cette vie devienne la mienne. Les cocards sur un visage, ça te laisse à réfléchir. Quand t'es qu'un gosse en bas âge et que tu dois voir ta mère subir. Ce que je vais devenir, je sais pas trop encore. En tout cas, ce que je veux devenir, c'est pas le genre d'homme mis à l'écart. Je vais tout faire pour exister loin des pleurs. Que les sourires qui m'entourent ne soient pas juste à l'heure. Je crie et j'opère, les lyrics à cœur ouvert. Avec les gars sans motif, je vois ma solitude dans ses vers. Nos sons sont nickel chrome, ils sont ni d'or ni de platine. Ils sont comme nos rétines, nous ne voyons que la vérité. Surfeuille comme dans la vie, mes textes sont dans la marge. Ma vie un parchemin, donc je ne peux tourner la page ici. Je plonge dans la haine et je suis loin de me noyer. Je vais reprendre le même thème avec agressivité. La vie me saoule tellement que je crise le coma éthylique. J'avoue, je prends des vers, mais ce ne sont que des vers poétiques. La poésie, je lis, la vérité, je vois. C'est la vérité d'un poète que vous pourrez lire dans ma voix. Je rappe avec ces gars dans cet état dépressif. J'essaye un nouveau traitement qu'on m'a prescrit sans motif. Le passage des saisons a fait des traces sur nos visages. La haine submerge nos cœurs comme l'eau en crue sur le rivage. C'est certain, il faut que je me barre d'ici. Je supporte plus le secteur, les soucis me donnent à prendre ici. Les franges à ce son, c'est comme la vérité qui blesse. Qui me laisse dans mes pensées sur quelle personne pourrait danser. Nos rimes sont porteuses d'un ressenti qui nous blesse. Sans motif et scar en fuite sur un son qui pèse. Notre souffrance creuse nos cœurs pour contenir notre haine. Notre cœur devient réservoir et notre haine, notre kérosène.